mais à l'instant, je m'entretiens avec Valérie Levé, elle est journaliste scientifique. Elle est aussi l'animatrice, disons-le, de l'émission Futur Simple, qui est en pause aussi à CKRL ici, mais qui chaque semaine comme ça nous parle de sujets fort intéressants. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Alors on va parler encore une fois ce matin d'un sujet très pratico-pratique. On sait que les journées peuvent paraître longues quand on est confiné à la maison. Parfois on a beau aller prendre une marche, le reste que ça, c'est long, 24 heures. Alors tu nous proposes des petites activités scientifiques pour faire avancer la science, puis pourquoi pas pour s'amuser aussi tant qu'à faire. Ben oui, exactement. Alors, je vais commencer par l'étude ICAR. C'est une étude internationale qui est pilotée par le Centre de médecine comportementale à Montréal. Et c'est une étude qui rapporte à la COVID-19. Elle a pour but de voir si les stratégies de confinement qui sont mises en place dans les différents pays sont efficaces pour ralentir la pandémie. Et elle a déployée par une centaine de scientifiques issus de 25 pays. Donc, il y en a en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Afrique. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est déployée dans des pays qui ont des profils assez différents. Donc, le Canada, les États-Unis, des pays européens, mais aussi des pays pauvres comme le Bangladesh, le Ghana, le Pérou ou le Rwanda. Puis, on peut imaginer que les mesures, les systèmes de santé sont pas les mêmes et les mesures de santé, les mesures de confinement ne sont pas suivies de la même façon. Les directives seront peut-être pas les mêmes. Donc, ça va être intéressant de voir l'effet de ces mesures de confinement dans ces différents pays. Ah oui, c'est très intéressant. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'hier, je parlais à Georges Gouma qui nous parle de ce qui se passe en Afrique présentement. La plupart n'ont pas de frigidaire. Hein. Aller faire l'épicerie pour la semaine, c'est pas possible. Les gens sont au jour le jour. Alors déjà, un petit détail de réalité, là, mais qui fait toute la différence. C'est ça? Oui, exact. Oui, et des différences culturelles comme ça. Alors, Valérie, revenons à cette étude. En quoi consiste justement là, cette étude-là? Puis, comment on peut y participer aussi si on a envie de le faire? Oui, en fait, c'est un questionnaire d'une quarantaine de questions. Ça prend à peu près 20 minutes pour y répondre. Il y a des questions sur nos sources d'information. Est-ce qu'on s'informe sur les réseaux sociaux, à la radio, auprès de nos amis? Donc, où est-ce qu'on trouve notre information? Il y a des questions sur notre compréhension des mesures de barrières et celles qu'on applique réellement. Des questions sur le système de santé de notre pays. Est-ce qu'on a une assurance? Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Est-ce qu'on a accès à un médecin? Est-ce qu'on a une assurance privée ou publique? Donc, il y a tout ce genre de questions comme ça. Et il est traduit en 26 langues, donc pour être accessible dans plein de pays. Donc, on le trouve en suédois, en russe, en tagalog, pour les philippins, en vietnamien, en arabe, etc. Puis, bien sûr, en français. Donc, beaucoup de personnes sur la planète, à condition qu'ils aient Internet, et ça c'est peut-être le hic justement, oui. peuvent répondre à ce questionnaire, et les scientifiques espèrent qu'au moins 100 000 personnes y répondront. Et en bout de ligne, l'idée c'est d'analyser toutes les réponses et de voir si l'analyse de ces réponses donnera des informations aux autorités sanitaires pour améliorer les mesures de prévention et d'intervention face à la COVID, parce qu'on voit bien que même si le déconfinement va arriver, il sera pas total, donc il y aura besoin de maintenir certains confinements, donc comment? Ouais. Donc ça peut donner des indications. Rappelons-le, on va sur le site d'ICAR. Je vais mettre, ça va être plus simple parce que c'est sur le site du Centre de médecine comportementale de Montréal, mais j'ai mis les liens sur la page Facebook de Futur Simple. Tu peux partager. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les gens vont avoir envie de partager leur vécu comme ça. C'est une impression. Alors tu dis que ça prend une trentaine de minutes pour répondre à ce questionnaire-là, puis faire bien sûr au bout du compte avancer les stratégies de lutte à la COVID-19. Est-ce qu'il y en a d'autres études auxquelles on pourrait nous participer? En fait, il y en a plusieurs. Alors, j'en ai vu une bonne poignée là sur une bonne poignée, mais j'en ai sélectionné une autre. C'est une étude sous forme de jeu et ça s'appelle Fold It. C'est un jeu vidéo qui a été développé en fait en 2008 par l'Université de Washington pour jouer avec la forme des protéines. Parce que les protéines, en gros, là, pour visualiser à quoi ça ressemble, c'est comme une ficelle pelotonnée sur elle-même, tout emmêlée. Donc, on n'a pas toujours une idée bien précise de la façon dont c'est emmêlé, donc de la structure tridimensionnelle de ces protéines. Et on a besoin de le savoir pour comprendre comment deux protéines interagissent ensemble. Donc, dans une chronique précédente, j'avais dit que le coronavirus, en surface, il a des protéines qu'on appelle les protéines S. Et ces protéines S interagissent avec des protéines qui sont à la surface de cellules humaines. Et c'est comme ça que le coronavirus entre dans nos cellules. Donc, si on trouve comment ces deux protéines interagissent, ensuite on peut imaginer un peu des médicaments pour empêcher cette interaction et réduire les infections. Oui. Et donc, Folid, en fait, qui existait déjà auparavant, a développé un nouveau niveau de jeu dédié au coronavirus et où les joueurs doivent résoudre l'interaction entre la protéine S du coronavirus et le récepteur sur la protéine humaine. Cependant, là, dans ce cas-là, comme ça vient de l'Université de Washington, c'est en anglais. Ouais, bon, en tout cas, on peut quand même s'amuser, j'imagine, avec ça pendant un bon bout de temps. Puis si on veut faire des jeux scientifiques qui sont pas liés à la COVID-19, par exemple. Ben oui, c'est bien légitime, hein. On est pas obligé d'avoir toujours la COVID-19 en tête. Manipuler des produits. Quoique, ça peut être très intéressant aussi, le rendu là. Ben oui, hein, sur les jeux vidéo, il y a toutes sortes de choses. Plutôt que de jouer à Pampan et puis de tuer celui qui sort du coin de la rue, là, on peut peut-être aussi s'amuser à faire des casse-têtes avec des protéines. Donc oui, d'autres jeux, et là, on peut regarder du côté des défis qui sont lancés par Science pour tous dans le cadre du 24 heures de science. Alors, Science pour tous, c'est un organisme à but non lucratif québécois qui organise des activités de culture scientifique, et notamment le 24 heures de science. Ça a lieu chaque année en début mai, un peu partout au Québec. Mm-hmm. Mais évidemment, cette année, les activités publiques sont annulées, donc le 24 heures de science est un petit peu réduit. Mais il reste des activités à faire en ligne, et notamment les concours et le défi réaction en chaîne. Alors, et ça, c'est pour les jeunes, les moins jeunes, les ados? Ça va être pour les jeunes, mais ça peut avoir besoin d'encadrement avec les parents. Une activité à faire en famille. Voilà, exactement. Ouais, pour occuper les enfants, ça demande peut-être quelques directives. En fait, c'était des défis qui étaient prévus initialement. En tout cas, le défi réaction en chaîne et un autre aussi qui s'appelle une pomme à la mer étaient des défis qui étaient prévus initialement pour être faits en classe. Mais ouais. Bon, Covid oblige, il est proposé pour la maison, donc c'est pour ça que peut-être l'encadrement avec les parents pour lancer les enfants est peut-être une bonne idée. Oui, oui. Bon, explique-nous encore un peu plus, là, tu dis un défi qui est fait à la maison, un concours, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, oui, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Oui, donc le défi réaction en chaîne, ça consiste à construire une machine de Goldberg. Alors ça, moi je ne savais pas que ça portait ce nom-là, mais on en voit des fois, il y a des vidéos qui en montrent des machines de Goldberg. C'est des montages avec des dominos, des poulies, des bascules, des billes qui roulent sur un plan incliné. Et tout, et ça fait un mouvement qui se propage, donc une réaction en chaîne. Donc c'est le genre de montage où on fait une action de départ, comme par exemple on pousse un domino. Ce domino va entraîner la chute d'autres dominos. Le dernier domino fait tomber une bille qui roule dans une gouttière et qui tombe sur un ressort et la bille part en l'air et retombe sur un plateau et puis d'une bascule, etc. Et le but là de ce défi, c'est de construire la machine qui marche le plus longtemps possible. Ah ouais. Oui. Et d'ailleurs, de plaisir. Contexte de la COVID, on a vu qu'il y avait une ruée sur les papiers toilettes. Et ben en cherchant sur internet, j'ai vu des machines de Goldberg avec des rouleaux de papier toilette. Ça explique peut-être pourquoi il y a une pénurie c'est de papier toilette dans les magasins. Ça sert à faire des machines de Goldberg. Ben, en tout cas, je savais pas que ça s'appelait les machines de Goldberg, mais on connaît bien le processus qu'on en voit plein. En fait, Goldberg est un dessinateur qui avait imaginé une machine sur des comme un dessin, et ça a été, il y en a qui ont essayé après de reproduire ce genre de choses. Bon, alors, il y a des heures de plaisir en perspective. Comment on fait pour participer à ce concours-là? C'est mécanisme, réaction en chaîne, ça peut être long, là. C'est un concours, en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Comment on fait pour y participer? Oui, on va sur le site du 24 heures de science. Dans ce site-là, il y a un onglet, une section concours. Donc là, j'ai décrit les réactions en chaîne, mais il y a aussi le défi « Une pomme à la mer ». Puis il y a un concours de journalisme scientifique où il s'agit d'écrire un article scientifique. Puis aussi un concours photo. Donc pour chacun de ces concours ou défis, il y a des instructions. Donc par exemple pour réaction en chaîne, on trouve des idées d'objets à utiliser pour le montage. Donc des dominos, un pendule, une poulie, mais même des ciseaux. On peut aussi déclencher un mouvement avec une paire de ciseaux. Mm-hmm. Et il y a des astuces pour utiliser tous ces objets et la manière de déclencher un mouvement. Donc, comme initialement le défi était conçu pour les élèves en classe, il y a aussi une fiche d'instruction pour l'enseignant, pour qu'il guide ses élèves. Donc là, les parents peuvent s'inspirer de cette fiche-là. Ouais. Et pour s'inscrire, il y a un formulaire à compléter et à envoyer à Sciences pour tous avant le 22 mai. Donc, il y a quand même le temps de penser, de s'amuser. Faut envoyer des photos du montage pour valider qu'on a bien participé, qu'on a fait quelque chose. Ouais. Bon, alors là, il y aura pas de jeu. Je ne sais pas comment on va fonctionner. Est-ce qu'il y aura un gagnant à ce défi-là? C'est difficile qu'il y ait un gagnant pour un défi, parce qu'avec des photos, c'est quand même difficile d'évaluer si le montage a vraiment marché et combien de temps ça dure, combien de temps le mouvement se perpétue. Ouais. Donc, pour le défi Réaction en chaîne et Une pomme à la mer, il y aura un tirage au sort parmi les participants et le gagnant, il va gagner un kit de science. Alors, ce qu'on m'a dit à Science pour tous, c'est pas encore défini, mais ça peut être un kit d'expérience ou un jeu scientifique ou des outils d'observation. C'est quand même intéressant, ça permet de faire encore d'autres observations plus tard. Et pour les concours de journalisme scientifique et de photos, là, les participants doivent envoyer un texte et ou des photos. Donc là, c'est plus facile de juger de la qualité, de la pertinence des textes et des photos et les prix pour les gagnants. Donc, il y aura vraiment des gagnants. Ce ne sera pas un tirage au sort. Et les prix, il y aura 3 prix pour chacun de ces 2 concours. Ce sera une entrée dans des musées, un abonnement à un magazine et un livre de sciences. Des beaux prix, bien motivant tout ça. Alors évidemment, tu nous mets tout ça en lien et je relais sur la page Facebook des Matins éphémères. Tu mets ça sur la page Facebook aussi de Futur Simple. Exactement. Donc toutes les informations pour l'étude ICAR, le jeu Fold It et les concours et défis de Sciences pour tous, je les mets, ils sont déjà sur la page Facebook de Futur Simple. Bon, donc, voilà. On peut commencer dès maintenant. Quelle efficacité, Valérie! Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Moi, je vais me concentrer sur les protéines, ça me tente. Ah oui? Tu nous en diras des nouvelles, on fera une chronique là-dessus. OK. Merci, bye-bye. Bonne fin de semaine.